Chapitre 249. Ce que l'on dit en allant dormir. Allah Ta'ala dit: En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis, couchés sur leur côté, évoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. Sourate 3, versets 190-191. 1458. Selon Hudhayfa et Abu Dhar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de dire avant d'aller dormir: « C'est en ton nom, ô Allah, que je vis et que je meurs. » « Bismikallahumma ahya wa amut. » Al-Bukhari. 1459. Selon Ali, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit, ainsi qu'à Fatima, femme de Ali et fille du prophète, radiyallahu anha, « Lorsque vous allez dormir ou lorsque vous vous mettez au lit, dites « Allah est le plus grand, Allahu Akbar, 33 fois. Gloire à Allah, Subhanallah, 33 fois. Et louange à Allah, Alhamdulillah, 33 fois. » Dans une autre version, le prophète, alayhi salatu wassalam, ordonna de dire 34 fois « Gloire à Allah ». Selon une troisième version, il recommanda de dire 34 fois « Allah est le plus grand ». Al-Bukhari et Muslim. 1460. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Lorsque l'un de vous se met au lit, qu'il l'époussette du revers intérieur de son pagne, Izar, car il ne sait pas ce qui a pris sa place dans son lit. Puis qu'il dise « C'est en ton nom, Seigneur, que je me suis couché et en ton nom que je me lève. » Si tu retiens mon âme, accorde-lui ta miséricorde. Et si tu la libères, protège-la par ce dont tu protèges tes serviteurs vertueux. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wa bika arfa'u. In amsakta nafsi farhamha, wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka s-salihin. Al-Bukhari et Muslim. 1461. Selon Aïcha, radiyallahu anha, chaque fois que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se mettait au lit, il crachotait légèrement dans ses mains et récitait les deux protectrices, al-Mu'awwidhatan, les deux dernières sourates du Coran, puis les passait sur son corps. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version d'Al-Bukhari et Muslim, chaque fois que le prophète, alayhi salatu wassalam, se mettait au lit, il joignait ses deux mains et crachotait légèrement. Il récitait les trois dernières sourates du Coran, puis les passait sur ce qu'il pouvait atteindre de son corps. Il commençait par la tête, puis le visage, et enfin le devant du corps. Il effectuait tout ceci trois fois de suite. 1462. Selon Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit: lorsque tu vas dormir, accomplis tes ablutions comme pour la salat. Puis allonge-toi sur le côté droit et dis « Ô Allah, je me suis soumise à toi. Je t'ai confié mon affaire et je m'en suis remise à toi par désir et par crainte. Il n'y a ni refuge ni asile contre toi si ce n'est auprès de toi. Je crois en ton livre que tu as fait descendre et en ton prophète que tu as envoyé. Allahumma aslamtu nafsi ilayk, wa fawwadtu amri ilayk, wa alja'tu dhahri ilayk. رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Le prophète عليه الصلاة والسلام ajouta: si tu meurs cette nuit-là, tu seras mort selon la nature originelle, la fitra, c'est-à-dire l'islam. Et fais en sorte que ces paroles soient tes dernières avant de dormir. Al-Bukhari et Muslim. 1463. D'après Anas radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, en se mettant au lit, avait l'habitude de dire « Louange à Allah qui nous a accordé notre nourriture, notre boisson, notre suffisance et notre refuge. Et combien sont nombreux ceux à qui personne n'accorde suffisance et refuge. Alhamdulillahilladhi at'amana wa saqana wa awana wa kafana. فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهْ وَلَا مُؤْوِي. Muslim. 1464. Selon Hudhayfa, radiyallahu anhu, Lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'apprêtait à dormir, il mettait sa main droite sous sa joue et disait « Ô Allah, protège-moi de ton châtiment le jour où tu ressusciteras tes serviteurs. Allahumma qini azabak yawma tab'athu ibadak. » At-Tirmidhi a dit Hadith Hassan. Selon la version d'Abu Daoud, Hafsa radiallahu anha précise que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam le répétait à trois reprises.